France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Au mois d'avril 1974, sur France Culture, dans Mise en scène, c'était Jean Giraudoux qui était à l'affiche avec Ondine, une pièce qui entrait alors au répertoire de la Comédie française avec la mise en scène qu'en donnait Raymond Rouleau. Une émission que son producteur, Guy Dumur, ouvrait sur la question de savoir si le théâtre de Jean Giraudoux appartenait encore, dans les années 70, à ce qu'était devenu l'univers culturel de ceux qui, jeunes mais aussi moins jeunes, étaient concernés de près ou de loin par l'art dramatique. Pour répondre à cette question, il avait réuni autour de lui la jeune mais déjà célèbre interprète d'Ondine, Isabelle Adjani, encore pour peu de temps pensionnaire du Français, et son partenaire dans le rôle du chevalier Hans, Jean-Luc Boutet. À leur côté, on entendait la comédienne Madeleine Auzeray, interprète du rôle-titre lors de la création de la pièce par Louis Jouvet en 1939 à l'Athénée, deux admirateurs de Giraudoux, l'écrivain Claude Roy et autre écrivain, mais également homme de radio, François-Régis Bastide. Ce dernier, comme l'avait été Jean Giraudoux, devait devenir lui aussi diplomate quelques années plus tard. Participait aussi à la discussion la sociologue Anne-Marie Gourdon, qui avait mené l'enquête sur la réception de la pièce parmi le public de la Comédie française. Mise en scène, Ondine de Jean Giraudoux, une émission diffusée la première fois le 14 avril 1974 sur France Culture. Ondine de Giraudoux à la Comédie française, une reprise importante et l'entrée pour la première fois au répertoire de cette pièce de Giraudoux qui a été créée par Louis Jouvet en 1939, et d'ailleurs reprise par lui tout de suite après la guerre. Giraudoux, pour certains, pour en tout cas les gens appartenant à une certaine génération, dont je suis, ne semble pas poser de problème. C'est du très beau théâtre, c'est un théâtre littéraire, c'est un théâtre de texte, et Giraudoux, bien qu'il n'ait jamais cessé d'être joué, non seulement du temps de Jouvet, mais depuis la guerre, ne fait pas partie cependant de l'univers culturel des jeunes générations. Et peut-être même, c'est ce que nous allons tenter de voir au cours de cette discussion, n'appartient-il plus du tout à notre univers culturel. C'est pour cela que j'ai réuni pour cette émission aujourd'hui autour du micro des participants un peu hétéroclites, mais qui tous, à des titres divers, ont quelque chose à dire sur Giraudoux. Et je commencerai tout d'abord par les interprètes, les deux principaux interprètes de Ondine à la Comédie française, Isabelle Adjani et Jean-Luc Boutet. Je regrette, je le dis tout de suite, l'absence de Raymond Rouleau, le metteur en scène, qui tourne en ce moment un film et qui malheureusement n'a pas pu venir à cette émission. Mais évidemment, il sera question de sa mise en scène, mais malheureusement, il ne pourra pas nous répondre. J'ai également demandé, et c'est une véritable chance pour nous, le témoignage de Madeleine Auzeray, qui a créé le rôle d'Ondine en 1939 et dont nous savons par ailleurs qu'elle a été une des plus brillantes interprètes de Giraudoux. Il y a également parmi nous François-Régis Bastide, qui est un grand admirateur de Giraudoux et qui, je ne crois pas que ce soit un secret, appartenant au comité de lecture de la Comédie française, est celui qui a le plus insisté pour que Ondine soit mise au répertoire. Il y aura également, j'espère, dans un moment, car il est un peu en retard, Claude Roy, qui est lui aussi un admirateur de Giraudoux et dont on peut dire que l'œuvre a été influencée d'une certaine façon par Giraudoux. Et enfin, une personne qui va nous être extrêmement précieuse, car elle va pouvoir apporter certaines précisions dans notre débat, c'est une sociologue, Anne-Marie Gourdon, qui appartient au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique, et qui travaille dans le groupe de recherche théâtrale de Jean Jacquot, qui était d'ailleurs à ce micro à mon émission précédente. Et si vous le voulez bien, peut-être que nous allons commencer par elle. Elle a interrogé le public d'Ondine, le public à la Comédie française, elle lui a posé un certain nombre de questions, et nous allons essayer de lui demander comment ce public réagit. Anne-Marie Gourdon, l'enquête que vous avez faite auprès du public de la Comédie Française, pourquoi la faites-vous? Pourquoi l'avez-vous faite? C'est une enquête destinée à appréhender la composition du public de la Comédie Française d'une part, et d'autre part à étudier la réception du spectacle par le public. Et vous avez interrogé déjà beaucoup de gens? Jusqu'à maintenant, j'ai interrogé 35 à 40 personnes. Enfin, ce sont des interviews, donc, qui doivent servir de pré-enquête à une enquête statistique sur questionnaire qui devrait théoriquement toucher beaucoup plus d'individus. J'espère avoir environ 2 à 3 000 réponses. Et les gens que vous avez interrogés, quel âge avaient-ils? Alors, les gens que j'ai interrogés se situaient entre 35 et 50 ans. Ça me semble intéressant dans la mesure où les autres publics des théâtres parisiens étaient beaucoup plus jeunes. Enfin, les personnes que j'avais pu interroger étaient en moyenne beaucoup plus jeunes. Mais peut-être pas dans tous les théâtres. Par exemple, à la Cage aux Folles ou dans des spectacles comme ça, ils étaient peut-être plus... J'ai pas encore eu l'honneur de... Oui. Non, vos enquêtes, c'était plutôt le TNP, la cartoucherie, des choses comme ça. C'est cela, oui. Oui, oui. Donc, et alors ces gens, est-ce qu'ils avaient déjà vu jouer Ondine? Peu l'avaient déjà vu jouer. Enfin, ce n'est peut-être pas significatif dans la mesure où, je vous dis, il n'y a que pour le moment 35 personnes, mais... Oui. Et c'était la première fois qu'ils voyaient une pièce de Giraudoux? Non, certains avaient déjà vu La guerre de Troie n'aura pas lieu. Ils avaient également vu Judith, mais ils regrettaient amèrement qu'on ne joue pas plus Giraudoux à Paris. Donc c'était des spectateurs qui aimaient Giraudoux et qui étaient prêts à l'aimer. Qu'il aimait, et oui, c'est ça, et certains jeunes étaient prêts à le connaître, enfin vraiment, souhaitaient qu'on les informe beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme motif? Est-ce qu'ils vous ont donné des raisons pour lesquelles ils aimaient Giraudoux? Certains aiment Giraudoux pour les thèmes de ses œuvres. Enfin, il y a des grandes idées, la guerre, la politique, enfin des... Et le style? Le style revient assez souvent. Mais moins cependant, par exemple, le texte, la qualité du texte elle-même, ça ne vient pas en premier lieu. Non. C'est surtout les thèmes traités, les sujets traités, les grandes idées. On a l'impression que ce sont des notions philosophiques. Mais le côté poétique ressort aussi. Ils aiment Giraudoux pour sa poésie, pour les mythes. Et certains jeunes m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup les mythes, qu'il y avait quand même une portée actuelle, que c'était... Mais dans Ondine, par exemple, ils ont trouvé une portée actuelle, à Ondine? Non, pas, une portée actuelle. Non, je pensais à portée politique. Dans Ondine, certains trouvent que c'est un spectacle, oui, que ça a une portée actuelle, que c'est pas périmé, ce sont pas des idées. Oui, oui. Et est-ce qu'ils sont d'accord avec l'interprétation, c'est-à-dire la mise en scène et le jeu des comédiens? Alors, en ce qui concerne l'interprétation, il y a deux aspects. Enfin, tous, si vous voulez, ont perçu dans la mise en scène le côté réaliste, le côté concret de la mise en scène. Et là, il y a une divergence. Ce réalisme est très, très apprécié par les uns. Et au contraire, déprécié par les autres. C'est-à-dire que... À égalité ou bien... Non, la majorité des spectateurs apprécient la mise en scène. Et vraiment, sont en contradiction avec les critiques. Jean-Luc Boutet, vous êtes le chevalier Hans dans Ondine. Et je voudrais vous demander justement comment vous sentez que le public réagit, puisque nous sommes sur cette question du public. Oui, nous jouons à peu près depuis 15 jours. Et ce qui me frappe, enfin j'ai l'impression, je ne crois pas me tromper, c'est que le public réagit très naïvement, mais au sens beau du mot, au spectacle. C'est-à-dire qu'il réagit finalement à ce que Raymond Rouleau, enfin, dont on va parler de la mise en scène tout à l'heure, je pense, a voulu. Il réagit absolument à l'histoire, au conte de fées. Ça ne l'empêche pas peut-être de percevoir la qualité d'écriture, la qualité de langage de Giraudoux et même la qualité des thèmes choisis dans Ondine. Mais le public, comme ça sur l'instant, dans la salle, réagit absolument à l'histoire, au conte de fées. Isabelle Adjani, c'est aussi votre sentiment sur ces réactions du public? Jean-Luc a dit qu'il réagissait naïvement. Oui. Moi, ça me gêne un peu que les gens réagissent naïvement. Oui, mais ça, en ce moment, nous sommes dans la sociologie. Alors, est-ce que vous avez senti cela aussi? Ce n'est pas mon avis personnel, c'est ça? Non, mais après, non, ben, au contraire, mais est-ce que vous avez senti cela, cette réaction à l'histoire? Oui, j'ai tout à fait raison. Oui. Oui. Mais alors, vous devez émouvoir beaucoup les gens, tout de même. Les gens doivent être très émus. Oui, je crois qu'il y a des moments de silence, des moments de silence et, je pense, de profonde attention. Mm-hmm. Je pense. Et ces réactions, Jean-Luc Boutet, est-ce qu'elles sont propres à cette pièce de Giraudoux ou est-ce que dans les autres spectacles, je parle des classiques, enfin de pièces connues ou soi-disant connues, est-ce que le public réagit de la même façon ou est-ce que c'est spécial à Giraudoux? Écoutez, tout au moins à la Comédie Française, où j'ai vu beaucoup de spectacles justement avec le public habituel, soit en soirée, en semaine, soit en matinée. Le public réagit souvent de cette façon-là. Je me rappelle d'une représentation, par exemple, de L'Avare, qu'avait monté Roussillon, aux Français, à la Comédie Française, où le public réagissait également à l'histoire, enfin, comme si vraiment il découvrait l'histoire de L'Avare, de Molière. Et je pense que c'est... Enfin, je trouve ça très beau, de ce que le public puisse encore réagir comme ça. Oui, bien sûr. Mais Anne-Marie Gourdon, par exemple, est-ce que vous avez, dans votre enquête, trouvé des gens qui découvraient Ondine et Giraudoux pour la première fois? Bien sûr, oui. Oui. Et alors là, ça c'est intéressant, parce que ça c'est le vrai spectateur naïf, si on peut dire. C'était positif. Ceux qui découvraient, oui. Mais c'était pas un monde qui leur paraissait complètement exotique, bizarre, curieux? Non, c'est pas... Et ça ne passait pas au-dessus de leur tête. On n'avait pas l'impression que ça passait au-dessus de leur tête. Non, certaines personnes plus jeunes avaient l'air de dire bon, qu'ils ne comprenaient pas très bien Giraudoux. Ce qui m'a assez étonnée aussi, c'est quand je leur demande s'ils ont lu d'autres œuvres de Giraudoux, ils me répondent que oui, mais ils ne s'en souviennent plus. Alors ça, c'est quand même assez frappant. Ouais. C'est finalement qu'ils n'ont pas tellement pénétré pour que ça ne les marque pas. Et je veux dire que, est-ce que vous savez un peu quel est le niveau de culture de ces gens que vous avez interrogés? Mais oui, je le sais, malheureusement, ils sont très cultivés. Ah oui, alors ça c'est plus intéressant. Quoi, ce sont des gens qui ont fait des études supérieures? Jusqu'à maintenant, c'est ça, la Comédie Française ou la cartoucherie de Vincennes ou l'espace Cardin, finalement c'est à peu près le même public. Oui, mais pourquoi pas? C'est des études supérieures, baccalauréat... Ceux qui n'ont pas de diplôme, ce sont les lycéens qui ont 15 ans. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait conclure, si je puis dire, que des gens entre 35 et 50 ans, ayant fait des études supérieures, ignorent Giraudoux? Oui, il y en a. Non, je ne dis pas il y en a, en général. Entre 35 et... Vous nous avez dit que les gens que vous avez interrogés, la moyenne était entre 35 et 50 ans. Oui, parmi ces personnes, il y en avait qui découvraient Giraudoux. Pour la première fois. Pour la première fois. Mais beaucoup étaient plus jeunes parmi ceux qui découvraient Giraudoux pour la première fois. C'est ça, oui. Et parmi les gens plus âgés, ils connaissaient... Ils connaissaient Giraudoux, oui. Ils ne connaissaient pas spécialement Ondine, mais ils connaissaient Giraudoux. Je vous dis, c'est très net, finalement. Il y a les jeunes qui le connaissent moins, mais on n'a pas l'impression qu'ils s'en désintéressent. Au contraire, ils voudraient qu'on leur passe du Giraudoux plus souvent. Et puis, il y a les personnes plus âgées qui aiment Giraudoux, qui connaissent ses œuvres, qui ne connaissaient pas spécialement Ondine, qui l'ont découvert. Certains aussi sont venus parce qu'ils avaient manqué la première représentation, avec Jouvet. Ils sont venus pour cette raison. Tandis qu'il y en a d'autres, peut-être, qui ne veulent pas revenir parce qu'ils ont vu la première représentation à Jouvet. Pour terminer cette première partie, je vais justement poser à Madeleine Auzeret une question, puisque nous avons la chance d'avoir Madeleine Auzeret, et qui, justement, elle, n'a pas voulu revenir voir la pièce de Giraudoux. Cela dit, bien sûr, que ces raisons ne sont pas celles du public, de gens dont j'ai entendu des réflexions disant « Je ne veux pas revenir voir cette pièce parce que je l'avais vue jouer par Madeleine Auzeret et je ne veux pas retourner la voir jouer ». Madeleine Auzeret, elle, évidemment, a des raisons plus personnelles qu'elle peut nous dire ou ne pas nous dire. Est-ce que la première question, parce que je lui demanderai, je poserai bien d'autres questions au cours de cette émission, mais la première question que je voudrais lui poser, c'est de savoir si quand elle jouait Ondine, mais quand elle jouait Giraudoux, quand elle a joué, je ne sais pas moi, la guerre de Troie ou autre chose, eh bien, est-ce que le public, est-ce que c'était vraiment une découverte? Je veux dire, est-ce que pour le public était complètement perdu ou est-ce qu'il adhérait pleinement à ce théâtre? Oh non. Enfin, c'était une chose enchantée, si vous voulez. le public était enthousiaste. À la guerre de Troie, c'était de la folie. Et alors après, à la reprise, 2 ans après, c'est tombé absolument à zéro. On ne sait pas pourquoi. Et peut-être pour des raisons, pour la guerre de Troie, vous dites. Pour la guerre de Troie, oui. Oui, mais peut-être parce qu'il y avait l'histoire aussi qui était là. Et qui... Ah, peut-être aussi. Mmh. Mais pour Ondine, c'était une chose différente, parce que l'époque était différente aussi. Puis oui, parce que, je ne sais pas, tous les gens sont venus du monde entier pour voir Ondine, même Bergner, qui devait justement jouer Ondine à Londres, en anglais. Mmh. Et le public était, enfin, était transporté. Certains critiques ont reproché à Giraudoux, actuellement, je veux dire, certains critiques actuels, ont dit, on ne peut pas imaginer que Giraudoux, en 1939, étant donné la gravité des événements qui se préparaient dans le monde, comment est-ce que Giraudoux a pu écrire une pièce si éloignée de ces événements ? Est-ce qu'à cette époque, vous ressentiez, vous et vos camarades, est-ce que vous sentiez un anachronisme ? Est-ce que vous vous disiez, mon Dieu, on joue Ondine, et puis demain, ça va être la guerre, etc. Oh, pas du tout, parce qu'on n'y pensait pas à cette époque-là. La générale a eu lieu le 27 avril, et à ce moment-là, on ne parlait pas tellement de guerre, et puis Giraudoux non plus. Giraudoux était enchanté de tout le monde, de la mise en scène, et Tchilitchev, parce que... Tchilitchev qui était le décorateur. Oui, Jouvet a tout de même mis 6 mois de répétition. Mmh. Alors, c'était Bérard qui devait faire les décors, et puis alors il disait oui, je l'ai fait, et puis il était malade, et puis il ne les a pas fait. Et alors, au mois de novembre 1938, moi j'ai dit, j'en ai un petit peu assez de ça, j'ai pris mon texte, et j'ai envoyé mon texte à Tchilitchev, que j'aimais beaucoup, parce que j'adorais ses dessins et sa peinture. Et Pavlik avait fait partie d'un milieu... parisien avec Bérard, Bergman, Cocteau aussi. Puis alors, je ne sais pas, ils se sont disputés parce que les gens de talent et qui étaient hypersensibles comme il était, ils se disputent tout en s'adorant. Et Tchilitchev est parti en Amérique. Et alors, moi, j'avais vu des dessins absolument admirables, des dessins qui tiennent à côté de Durer, de Vinci. Mmh. Et alors, pour cette raison-là, j'ai envoyé mon texte sans le dire à Jouvet. J'ai dit que j'avais perdu mon bouquin. Alors, Tchilitchev, Jouvet a reçu un jour une lettre. C'était en décembre. Et a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Tu envoies maintenant des brochures à M. Tchilitchev. Celui-là, il a le toupet de me dire, écoutez, cher monsieur, je suis très pris. Pour l'instant, vous ne pourriez peut-être mettre la pièce au printemps, je serai libre. Alors, je trouve ça un peu cavalier, disait Jouvet. Alors, Jouvet a essayé plusieurs personnes pour les décors, les costumes, et puis évidemment, ça ne marchait pas, parce qu'il fallait un autre génie qui interprète le génie de Giraudoux. Alors quand, par exemple, certaines critiques ou certains essayistes disent que Jouvet a supplié, il a imposé la pièce à Giraudoux pour qu'il la fasse, qu'il a arraché la pièce à Giraudoux, ce n'est pas vrai. Parce que à un génie, on suggère les choses, on en parle, mais on n'impose pas une pièce, on n'impose pas un conte, parce que le génie travaille en étant inspiré. Alors, c'était une chose qui était vraie. Giraudoux, par moment, et ça s'est passé pour Intermezzo, il n'arrivait pas à écrire un acte. Et il n'arrivait pas à écrire le troisième acte. Et il a dit à Jouvet, c'est très curieux, chaque fois que je me remets donc à écrire, eh bien, ma mère ne va pas bien. Et c'était vrai parce qu'il était sensible, et c'était certainement vrai, c'est parce qu'il y avait entre lui et sa mère une chose très très profonde, une inspiration même, quelque chose de très profond. Et alors, Giraudoux, là, a écrit peut-être, a tardé à écrire le 3 d'Ondine, mais pour cette raison-là, et ce n'est pas du tout ce qu'on dit encore, là, M. Jean-Pierre Giraudoux, que c'est parce que je ne l'inspirais pas, une chose comme ça. C'est absolument faux. Vous comprenez, j'ai l'air de me mettre en avant, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est-à-dire que Tchilitchev a compris admirablement ça, parce qu'il a dit à Jouvet, la pièce me plaît parce qu'elle est en quatre saisons. Le premier acte, c'est le printemps, le deuxième acte, l'été, le troisième acte, l'automne, et à la mort de Hans, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Vous avez été interrompue, Madeleine Auzeret, par les accents de la mère de Debussy, qui sont peut-être, évidemment, petit peu trop vastes pour le lac d'Ondine. Oui. Et je voudrais vous poser une question, puisque nous avons la chance de vous avoir. Je voudrais quand même vous poser une question un peu plus précise par rapport, justement, à la mise en scène, puisque c'est le titre de cette émission, de Ondine actuellement. J'aurais voulu, c'est une question que je brûle de vous poser depuis des années et des années, c'est comment Jouvet vous faisait travailler. Pour Ondine, vous voulez dire? Pour Ondine, oui. Eh bien, c'est-à-dire, on a travaillé d'abord le premier acte. C'était une chose qui, pour tout le monde, sauf pour moi, était relativement facile, si vous voulez. Pourquoi, sauf pour vous? Parce que le rôle est long et parce qu'il y a des modulations, il y a des nuances, il y a tout ce que vous voulez. Elle est tantôt est-ce que, longue. Attendez, je vous interromps encore une fois, je m'excuse. Mais est-ce que la pièce a été écrite pour vous? C'est prétentieux que je le dise, mais c'est exact. Donc Giraudoux pensait à vous quand il écrivait le rôle d'Ondine? Mais c'est-à-dire, si, enfin, je peux encore parler, dire quelque chose, là. Oui, tout ce que vous voulez. En 34, j'ai été malade pendant 2 mois. Et alors, là, Jouvet m'a fait découvrir Nerval. Je ne connaissais absolument pas, parce que j'arrivais à Paris avec mes gros sabots. Et alors, j'ai lu une nuit La Reine des Poissons de Nerval. Et j'en ai rêvé. Je l'ai vue en rêve, comme ça, et alors elle était chassée des forêts là-bas, de Senlis. Elle était chassée par tout le monde. Et Jouvet, le lendemain, est venu me voir. Et alors, je lui ai dit, tiens, j'ai rêvé de la Reine des Poissons. Et je l'ai rencontrée en rêve. Et Jouvet a repris la phrase de Nerval en disant, de la Reine des Poissons, mais ce n'est pas pour rien que comment nous sommes-nous rencontrés tous les deux en rêve. Alors, il est parti, et le lendemain, il m'a apporté Ondine de la Motte Fouquet. Et il a dit, voilà, il faut parler de cela à Giraudoux, ça s'appelle suggérer, ça, mais pas imposer ou arracher un rôle ou une pièce. En tout cas, de toute façon, il a bien fait Jouvet. Alors, Giraudoux a donc écrit le premier acte, et puis il a écrit le 2, et il était en voyage à cette époque. Et alors, le 3, il est rentré, et c'est venu, enfin, peut-être plus difficilement, si vous voulez. Mais alors, c'était merveilleux, parce que qu'est-ce qu'il a fait, Giraudoux? Il a écrit ça comme une symphonie. Le deuxième acte est très difficile à comprendre parce qu'il y a toutes sortes de choses mystérieuses, etc., etc. Mais alors, au 3, il a repris donc le thème du 1. Moi, on m'appelle Ondine, et c'est le chevalier qui dit « Moi, on m'appelle Hans ». Alors, pour revenir à ma première question, Jouvet, comment vous faisiez-il travailler? Alors, vous lisiez le texte, vous aviez des lectures? Et oui, puis... nous lisions le texte. Alors là, c'était une chose qui était enfin assez difficile, premier acte. La scène était en pente, au 2 et au 3 aussi. Alors, par exemple, au troisième acte, un jour, c'était en 34 toujours, nous sommes allés à Bruges, sur la tombe de Marie de Bourgogne. Et Jouvet a regardé la tombe très longtemps. Elle était impressionnée par ça. Et alors donc, après, quand il avait été question d'Ondine, il a dit, tu vois, je dois mourir comme ça. Je dois devenir un gisant. Et alors, Jouvet nous faisait travailler, donc. Alors, c'était assez difficile au début parce que il ne fallait pas qu'Ondine soit lyrique. Alors, dans ma vie, j'ai eu un petit bouc quand j'avais 8 ans. Et j'aime beaucoup ce petit bouc qui est mort tragiquement, évidemment, parce qu'on les mange. Et alors, j'avais raconté cette histoire à Giraudoux. Et Giraudoux m'a dit, Madeleine, ne levez surtout pas les yeux au ciel, vous n'avez qu'à mettre votre tête en avant comme faisait votre petit chevreau. Et alors, ça m'a aidé, si vous voulez, pour le personnage d'Ondine, ça. Mais vous avez dit une chose que je crois importante, et c'est à propos du lyrisme. Est-ce que Claude Roy ou François-Régis Bastide, qui n'avaient pas beaucoup parlé jusqu'à présent, est-ce que vous avez vu, est-ce que l'un ou l'autre a vu Ondine à la création en 1939? Non, mais là, je n'étais pas à Paris, moi, je n'ai pas pu voir. J'étais trop jeune. J'aurais bien aimé. Là, moi, j'ai fait le mur du 43e régiment de chars de combat à Satory. Pour aller voir Balamoseret et Jouvet, jouer Ondine, mais je faisais le mur tout le temps pour aller voir toutes les pièces. J'appartiens à ces générations dont Chris Marker a dit que nous avons contracté une scoliose du cou à force de nous installer au poulailler de l'Athénée ou des autres théâtres du cartel, et puis de regarder ce qui se passait sur la scène. Malheureusement, ce n'était pas toujours vrai. Moi, j'étais content avec Ondine et d'autres spectacles de Giraudoux et de Jouvet parce que on restait au poulailler. Malheureusement, quelquefois chez Dulin ou chez Piteauf, on s'installait au poulailler. Et puis, un peu avant le lever du rideau, les ouvreuses venaient très vite nous dire « Ça ne vous ennuierait pas de descendre à l'orchestre ?» Ça ne nous ennuyait pas du tout, mais ça nous ennuyait pour Dulin ou pour Piteauf, qui évidemment ne faisait pas de très bonnes affaires. Mais pour Giraudoux, c'était comble, et je me souviens avec émerveillement du spectacle. Et je dois dire que j'ai été un petit peu scandalisé de deux mauvaises notes qu'on a données récemment à Giraudoux. Et je voudrais répondre incidemment à Madame Roseret qu'en 1939, quand moi, spectateur et de la classe qui n'était pas seulement mobilisable mais qui faisait déjà son service militaire, j'ai été voir Ondine, j'avais l'angoisse, le pressentiment et dans l'oreille le bruit déjà des pas de la guerre qui avançait. Mais quand on donne à Giraudoux une mauvaise note parce qu'il a écrit une histoire d'amour et d'amour fou au moment où la guerre approchait, j'ai envie de répondre d'abord que, en ce qui concerne l'annonce de la guerre, une réflexion sur la guerre, il avait en 1935, si je me souviens bien, dit ce qu'il avait à dire avec oui. la guerre de Troie. Oui. Et puis, l'autre mauvaise note qu'on a donnée à Giraudoux, c'était, alors que les Allemands, qui étaient incarnés à cette époque-là par le nazisme Hitler, s'apprêtaient à mettre à feu et à sang l'Europe, c'était très mal de s'inspirer du romantisme allemand, d'un conte allemand, de mettre en scène un chevalier allemand, de mettre en scène une Ondine germanique. Alors là, ça me semble tout à fait absurde. Et j'ajouterai alors à ce que disait Madame Roseret tout à l'heure, c'est que quand Jouvet a suggéré à Giraudoux de s'inspirer d'Ondine, il ne faisait que ramener très intelligemment Giraudoux à ce qui a été une des sources de son génie, une des nourritures de son œuvre, qui est justement le romantisme allemand, qui est Jean-Paul, Novalis. Et puis alors, j'ai envie de répondre que si la mode Fouquet, qui était d'ailleurs d'origine française, était un ennemi de la France en 1939, eh ben zut alors. Non, mais je crois que ça, ces questions ne se posent plus. Je voudrais qu'on reste un petit peu dans la mise en scène. Et je regrette encore une fois que Raymond Rouleau n'ait pas pu venir à cette émission, mais Madeleine Roseret, je l'ai souligné tout à l'heure, a dit une chose importante lorsque Jouvet lui disait qu'il ne fallait pas céder au lyrisme, car je crois Giraudoux, que... Giraudoux, mais Jouvet devait le dire aussi, je pense. Mais pas toujours. Non. Mais enfin, Jouvet lui-même... Il discutait souvent, là. Oui, mais Jouvet lui-même, ou vous-même, même si vous étiez lyrique, vous ne dépassiez pas quand même un certain ton. Vous n'étiez pas des comédiens romantiques. C'était autre chose, n'est-ce pas? Alors au contraire, il m'a semblé, à moi personnellement, mais encore une fois je regrette de ne pas pouvoir le dire devant Raymond Rouleau, que cette mise en scène accentuait un peu trop le lyrisme. Et que, en particulier, Isabelle Adjani, qui elle est là, qui est une merveilleuse actrice, qui est certainement... l'héroïne de Giraudoux. Enfin, je pense que Giraudoux aurait été enchanté de la voir et de la connaître autant qu'il l'avait été de connaître Madeleine Ouseret. Mais malgré tout, Isabelle Adjani, elle, joue constamment sur l'émotion, n'est-ce pas? Et alors, j'aurais voulu savoir, vous, comment vous voyez ce rôle d'Ondine? Je sais très bien ce que vous voulez dire par le fait que je joue constamment sur l'émotion. C'est-à-dire que je n'ai pas en moi, du moins je ne sens pas, je crois très franchement, très sincèrement, des espèces de jalons, du moins des crochets qui s'échelonneraient pour que je puisse non pas m'y cramponner, mais y poser à la fois mes pieds, mes mains, mon cœur, ma tête. Je ne les sens pas pour pouvoir me permettre d'être libre au milieu de ma construction. Alors il est vrai que chaque soir, j'essaie de me donner moi le plus possible. Et il m'est arrivé une chose qui m'a mis en face de ce que je faisais sur scène à propos d'Ondine, c'est qu'en allant à la discothèque, j'ai vu un disque qui regroupait plusieurs extraits des pièces que Jouvet avait mises en scène, dont Ondine. C'était La mort du chevalier, c'était avec Dominique Blanchard. Et j'ai dit, est-ce que je pourrais l'écouter? J'ai demandé. Et on m'a passé le morceau, et la dernière scène se jouait complètement. Bon, il y avait une espèce de lyrisme qui était inhérent à Jouvet, c'est ça, je intérieur. Crois. Oui, et puis, au fil même dans le phrasé, je crois. Et la scène se passait au contraire dans une espèce de, il m'a semblé, de distanciation très grande. C'est-à-dire que les adieux Hans, les je vais perdre la mémoire, étaient extrêmement placés, froids. Et je pense que l'émotion à ce moment-là pouvait naître d'un seul mouvement de tête et que les choses devaient être, je ne sais pas, c'est ce que j'ai ressenti. Oui, mais enfin, en fait, vous n'avez pas voulu faire la même chose. Et c'est surtout que je ne sais pas ce que j'aurais voulu faire. Moi, je suis comédienne, je suis interprète, je suis un instrument, je ne suis rien face à... Pour l'instant, j'essaie de créer chaque soir sur ce que je fais, mais j'invente avec moi, mais j'estime que ce n'est pas suffisant. On entre dans un domaine critique, là, qui n'est pas tout à fait le ton de cette émission, mais malgré tout, voyez, quand je vous ai vu jouer de l'École des femmes, et que vous pleuriez dans l'École des femmes, que vous jouiez un personnage tragique. Oui. Eh bien, je trouvais ça étonnant, parce que l'on ne s'attendait pas à voir autant de tragique, autant de lyrisme, justement, dans Molière, et je trouvais ça extraordinaire. Oui. Et dans Giraudoux, qui me semble toute se prête au lyrisme, je le regrettais un petit peu. Les rires sont déjà dans le texte, alors je surjoue un petit peu. Mais ça, je sais, mais c'est pour me donner l'impression... Enfin, je crois que c'est un problème uniquement personnel. Je crois que c'est vraiment pour éprouver un sentiment de... pas trop d'insatisfaction quand je sors de scène, parce que ça me rend trop malheureuse. Jean-Luc Boutet, est-ce que vous-même, alors dans le rôle de Hans, qui n'est pas moins facile, qui est même, je dirais, plus difficile à jouer, est-ce que vous ne croyez pas aussi que vous avez mis, par rapport au texte de Giraudoux, ne parlons pas par rapport aux représentations de Jouvet, mais un peu trop de psychologie, c'est-à-dire est-ce que vous n'avez pas tendance à vouloir un peu trop expliquer le personnage? Non, alors là, je vais vous répondre une chose, c'est que, bon, quoi qu'on en pense, ça a été monté de cette façon-là. C'est-à-dire, ce qui a été monté, en fait, c'est plus le conte de La Motte Fouquet que peut-être l'Ondine de Giraudoux. On peut le critiquer, on peut aimer, ça, le problème n'est pas là. Je dis ce qui a été fait. Les décors, les costumes sont là pour le montrer. Et donc, le jeu des comédiens doit s'inscrire... plus vers le conte de fées, peut-être, que vers l'interprétation d'un langage qui est, en l'occurrence, celui de Giraudoux. Alors, vous dire ce que moi, peut-être, idéalement, j'aurais voulu faire dans Le Chevalier, ou peut-être ce que les autres interprètes auraient fait de la pièce, c'est un autre problème. Ce qui est sûr, c'est que ça a été monté comme ça, et que donc ça impose un style de jeu... qui est peut-être qu'on peut juger en contradiction avec le langage de Giraudoux. Et c'est vrai que, par moment, le style de jeu peut-être résiste à la façon dont c'est monté, mais je crois que l'histoire demeure, enfin, les thèmes demeurent. Bon, évidemment, on peut parler de la façon de jouer Giraudoux idéalement. Eh bien, justement, une dernière question que j'adresse à Isabelle Adjani et à Jean-Luc Boutet, qui sont deux jeunes interprètes et qui donc, comme ce public que nous cherchions tout à l'heure, découvrent Giraudoux en quelque sorte. Eh bien, est-ce que vous êtes entré dans ce texte? Vous y êtes entré comment? Comme si vous étiez en présence d'un texte moderne ou d'un texte classique? Je veux dire, vous qui êtes acteur du français, qui avez l'habitude des textes, vous n'êtes pas comme certains acteurs qui ne croient qu'aux vertus de la mise en scène, etc. Vous croyez aux textes, donc vous êtes habitué à travailler sur des textes. Eh bien, ce texte de Giraudoux, est-ce qu'il vous est apparu comme un texte, disons, bon, de Racine, de Molière, de Marivaux, etc. ou est-ce que comme quelque chose d'autre? Moi, je ne me suis pas posé de problème, ni à savoir si c'était classique ou moderne. J'ai simplement lu des choses que j'ai ressenties avec ma vision à moi. Et puis, il y a eu la vision du metteur en scène Raymond Rouleau. Et puis, voilà, puis on a essayé, je suppose, comme ça se passe chaque fois, de faire l'osmose entre les deux. Et puis, moi, j'ai essayé. Je crois que j'essaie sans arrêt, tous les soirs, j'essaie. J'ai rien trouvé du tout. Vous êtes une personne, nous le savons par des interviews que vous avez données, des confidences que vous avez faites, vous êtes une personne très cultivée et très moderne. Vos lectures préférées, c'est Henri Michaud, c'est Roland Barthes. Oui. Et donc, tout ça est assez loin de Giraudoux. Enfin, peut-être pas Michaud, d'ailleurs, mais enfin, Roland Barthes. Alors, est-ce que ce texte de Giraudoux vous a paru... démodé, disons, pour employer un mot un peu fort. Pas du tout, du tout. Je crois qu'il n'y a pas de caste à faire, je crois qu'il n'y a pas de sélection à faire. Moi, j'aime Barthes, mais ça ne me dérange pas. On dit que Giraudoux fait du texte de mandarin. Moi, je ne trouve pas du tout. Je crois que ça vient de très profond et qu'il y a une chose que j'adore quand je dis Giraudoux, c'est que j'ai l'impression que ça vient de son cœur à sa bouche. C'est-à-dire que ça n'a pas subi de transformation, il me semble, aussi alambiqué que ça puisse être. Pour moi, dire les phrases de Giraudoux, c'est comme si je disais mes phrases. Moi, ça ne me gêne pas. Mais c'est pas logique. Enfin, je veux dire, non, Régis, c'est ce qu'on dit. Il n'a pas dit un mot encore. Non, mais je le réservais pour... Il n'en dit... pas, moi. Oui, alambiqué, je comprends très bien ce que veut dire Isabelle. Non, mais moi, je répète ce que j'entends. Bien sûr. Les gens qui disent que Giraudoux, c'est alambiqué, ce sont des gens qui ne savent plus écrire, ni penser, ni parler, parce que nous avons désappris depuis l'époque où Giraudoux écrivait. Giraudoux écrit un français admirable et nous parlons et nous lisons et nous écrivons le français, le basic French que nous avons l'habitude d'écrire et c'est tout. Et c'est pour ça que Giraudoux nous paraît compliqué, mais il n'est pas compliqué. Non, moi pas du tout. Vous avez dit aussi tout à l'heure, j'ai tellement de choses à dire. D'abord, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Madeleine Auzeray, qui est capital, je trouve, sur l'inspiration nervalienne, si je peux dire, du spectacle, non pas de l'œuvre. Et c'est très important de dire que Giraudoux adorait Nerval et qu'il a écrit sur Nerval, un texte très beau d'ailleurs. Et Giraudoux est allé chercher en France le seul romantique français qui fut allemand, qui est Nerval, n'est-ce pas ? Qui est le seul de la famille de Hölderlin, de Kleist, etc. C'est très très important déjà. Et alors, quand Isabelle Adjani dit tout à l'heure « je surjoue », moi je trouve qu'elle est admirable. Bon, je ne vais pas lui dire maintenant parce que ce serait trop bête, mais... comment faire autrement dans cet immense vaisseau qu'est la Comédie française, qui a été rempli peut-être abusivement par Raymond Rouleau d'une quantité d'accessoires, etc. Moi, j'aurais préféré que ce fût un peu plus simple, et ça pourrait l'être, mais que tout le côté chambellan, magicien et deuxième acte se passe d'une façon plus naturelle, alors que là, on en a vraiment un petit peu trop, peut-être. Mais ça écrase encore plus l'interprète principal du rôle, qui est obligé, quand on lui en donne tellement, de surjouer, comme vous dites. Mais moi, je trouve que vous n'avez pas de tort. Je ne sais pas ce que vous pourriez faire d'autre, en tout cas, parce que vous êtes conduite, évidemment, à être d'autant plus forte, d'autant plus émouvante, alors que si on jouait un peu plus sur la litote ou sur l'understatement, vous seriez peut-être plus à votre aise pour moins faire pleurer. Bon, vous faites pleurer, pourquoi pas ? Vous pleurez, vous faites pleurer, pourquoi pas ? Mais je ne crois pas que vous puissiez faire autrement. Je voulais dire aussi que Giraudoux, on n'aime pas les cris. Bon, y a un passage dans Juliette au Pays des Hommes que j'oublie ou que je cite de mémoire, comme ça. « Béni soit mon institutrice qui m'a appris à lire en me montrant, dit Juliette, un livre d'images et en bâillonnant ma bouche pour m'apprendre à penser sans avoir à pousser de cris. » À ce moment-là, je suis ravie de rendre Giraudoux inaudible. Vous ne le rendez pas inaudible, mais vous ne criez pas. Thank you. Eh bien, cette discussion est un peu confuse parce que l'on a beaucoup de choses à dire. Et en même temps, j'ai l'impression que nous éprouvons quand même une certaine gêne à parler à la fois de cette mise en scène d'Ondine et en même temps du théâtre de Giraudoux. Et il est même étonnant, je crois l'avoir dit au début, combien finalement ce théâtre qui paraît très simple et qui, pour certains d'entre nous qui avons grandi avec ces textes, qui avons appris à lire dans Giraudoux, il nous paraît surprenant que tout cela paraisse aussi compliqué. Claude Roy, est-ce que c'est votre opinion? Vous avez vu jouer cette Ondine, vous l'avez vu donc deux fois, vous pouvez faire des comparaisons. Et est-ce que vous trouvez que le problème est compliqué? Le problème de la représentation d'Ondine et du théâtre de Giraudoux en général? Je ne suis pas un homme du métier, je parle en spectateur. J'avais le sentiment, avec Malène Oseret et Jouvet, de Poisson dans l'eau. Et là, j'ai l'impression... J'ai été très heureux du spectacle, mais avec une très grave réserve, c'est que j'ai eu l'impression, avec Jean-Luc Boutet et Isabelle Adjani, d'un jeune brochet et d'une petite truite enfermée dans un coffre-fort qui serait un peu une chambre froide. Et que ce dont on les loue, ou ce qu'on leur reproche, justement, en ce qui concerne Boutet, surtout à la fin, où il me semble que son jeu évolue et que l'émotion, en effet, monte davantage. En ce qui concerne Isabelle Adjani, qui est une des exceptions assez rares à la règle que donnait Jules Renard, « Si tu veux que je pleure, ne chiale pas », eh bien, Mademoiselle Adjani verse des larmes qui me semblent tout à fait nécessaires à la fin, parce que cette mise en scène, moi, vous avez dit tout à l'heure, Guy Dumur, j'étais scandalisé, c'est une mise en scène romantique. Romantisme, je veux bien conserver l'étiquette pour le jeu des deux interprètes principaux, mais je la trouve naturaliste. Je m'excuse, je disais romantique. Les poulets sont en carton, la truite est en carton. Cher Claude Roy, c'est ça qu'étaient les mises en scène romantiques. C'était comme ça qu'elles étaient. Peut-être, ouais. Mais alors le mot romantisme a pris une coloration, Dieu merci, très différente. Cette mise en scène, moi je la trouve, elle pèse des tonnes. Or, le miracle, c'est que je suis sorti de ce spectacle allégé par la grâce et l'émotion de Mademoiselle Adjani et son partenaire. Alors là, j'ai l'impression qu'ils vont protester et défendre leur metteur en scène, auquel ils ont dit d'ailleurs très gentiment tout à l'heure, si j'ai bien compris, qu'ils se sont accordés, pliés, et ils ont fait le travail qu'on leur a indiqué, éclairé. Mais je trouve que inconsciemment peut-être, ils ont justement réagi, et je trouve qu'ils ont eu raison, parce que c'est gagné. Ils ont réagi contre une espèce de chambre froide pesante, avec un manège de chevaux de bois, des mécaniques, des robes qui pèsent des tonnes. Mais c'est pas seulement figuré, parce que je ne sais pas combien pesaient les robes que Tchelitchev avait essayé, mais moi j'avais le sentiment de légèreté, d'une chose aérienne. Or là, vraiment, j'étais peut-être un peu trop près, mais je regardais mes pauvres amis du français suer dans ces robes qui doivent... C'est un mauvais argument, je reconnais. Non, on non, peut faire le théâtre pauvre, mais enfin, chaque robe doit coûter une fortune, et je trouve ça absurde par rapport à Giraudoux, par rapport à la mise en scène qui me semble être nécessaire de Giraudoux. Je suis heureux qu'il y ait eu ces deux petits, je parle en vieux monsieur, là, qui sont la légèreté, la grâce, et qui me font être heureux tout d'un coup d'avoir autour de cette table deux générations de comédiennes qui se sont passées, je dirais pas le flambeau, parce que ce qui se sont passées, le relais à liquide, Malène Oseret, Isabelle Adjani, ça c'est la merveille. Anne-Marie Gourdon, notre sociologue, a quelque chose à dire là-dessus, du moins son public. Oui, ce qui m'a étonné, remarqué de la part du public, c'est que j'ai relevé, enfin relativement souvent, à propos de la mise en scène, les expressions de sobre, dépouillé, simple. Alors, d'où cela venait-il? Je me demande s'ils n'ont pas finalement confondu concret. Ce qui est concret est facile à comprendre, donc c'est simple. Je me demande d'où ça venait. Ça vient de ce que nous sommes maintenant une génération de consommation, de la génération de la grande bouffe, et que tout d'un coup, peut-être que même le trop-plein de rouleaux peut apparaître comme de la sobriété à des gens pas avertis et qui ont l'estomac un peu chargé. Non, mais ça serait revenu qu'une fois. Oui, mais plusieurs fois. Mais plusieurs fois. Ouais. Et je dois aussi vous dire pour les costumes... Bon, certains les trouvent conventionnels, certaines personnes trouvent les costumes très conventionnels, chargés, tout ce que vous voulez. Mais d'autres trouvent qu'au contraire, ce sont les costumes qui introduisent dans le merveilleux. Une personne m'a même dit que ça lui faisait penser aux tapisseries du Moyen-Âge. Enfin, oui, ben, bien sûr, c'est ça, beau, ça imite. Isabelle, Adjani. Il y a une chose qui me sidère, c'est que les gens, maintenant, parmi le public, soit réagissent naïvement, soit réagissent avec des espèces de références techniques, systématiques. Comme si on leur avait inculqué ça, comme si ils venaient là, presque en tant que critique tacite. C'est-à-dire, oui, bien sûr. Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est comme si on avait déformé quelque chose chez les gens. Ça me rend malade. Moi, j'aime pas généraliser, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fausse réception. C'est-à-dire que quand moi, ils sont bardés de références. Oui, puis il y a une chose qui me gêne profondément, c'est qu'à la fin, les gens applaudissent. Ils applaudissent. Il y a même plusieurs rappels, mais c'est tellement poli. C'est tellement poli que j'en suis malade. Moi, quand je sors de scène, je suis malade. Mais pourquoi poli? C'est peut-être aussi de l'enthousiasme. Mais non, c'est pas enthousiasme. Mais on le sent. Bon sang, on est dans un état de réceptivité tellement grand. On le sent. On a une sensibilité à fleur de peau quand on vient de jouer. Boutet proteste. Non, oui, oui, parce que j'ai entendu que c'est M. Bastide, je crois, qui a dit que le public était bardé de références. Mais je crois pas tellement. Enfin, sur le moment, au moment où se déroule le spectacle, le public me semble relativement disponible. On dirait des gens qui vont faire une critique pour le lendemain. On dirait des... Mais c'est effrayant. C'est tout juste qu'ils n'ont pas leur stylo et leur papier pour venir au spectacle. C'est pas du tout une réception physique et émotionnelle qu'ils attendent. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est vraiment... Je trouve qu'il y a une réception complètement émotionnelle. Oh, c'est pas vrai. Notamment en Dine. Enfin, je trouve que sur scène, pendant le temps que se déroule le spectacle, dans la mesure où on peut mesurer la réceptivité d'une salle, je trouve qu'il a une réception tout à fait émotionnelle. Mais bon, qu'après il critique, voilà, mais c'est normal, et heureusement. Mais oui, heureusement qu'après il ait l'esprit. Il y a une espèce d'esprit critique systématique qui déforme tout. Mais pas c'est pendant, ça, mais c'est ça qui est, non, qui est merveilleux, c'est que pas pendant, je crois pas. Anne-Marie Gourdon, t'en parle pas. C'est pour répondre à Isabelle Adjani, la preuve en est quand même que la plus grande partie du public est subjuguée, vraiment transportée par votre jeu. Donc c'est quand même... spontané, on peut pas dire qu'il fait une analyse, qu'il se demande si vous jouez plus ou moins bien que d'autres comédiens de la Comédie Française. C'est vraiment spontané comme néanmoins on n'a pas toujours pas répondu à ma question, qui est peut-être une fausse question. C'est qu'il me semble quand même que jouer Giraudoux, c'est très difficile. J'aimerais savoir là ce que Régis Bastide pense sur une interprétation idéale actuellement de Giraudoux, qui n'est plus alors celle de Madeleine Auzeray et de Louis Jouvet, mais qui serait actuellement une interprétation idéale. Est-ce que Régis Bastide et Claude Roy, est-ce que vous avez des idées là-dessus? Des idées, ça ne sert à rien, puisque je ne suis pas metteur en scène, et que si je l'étais, je serais probablement incapable de mettre en scène Ondine, qui est une pièce probablement très difficile à mettre en scène. Il faut un immense génie. Isabelle, j'ai dit que non. Bon, moi, j'ai passé beaucoup de temps à lire la pièce. Oui, moi aussi. Et je vous jure qu'avec mon peu de jugeote, avec mon peu de tout ça, enfin, avec les petites choses que j'ai... Votre imbécilité naturelle, j'aurais pu faire une... Non. Finissez. Alors allez-y. Vous auriez pu faire. Allez-y, quoi. C'est très... Non, mais je veux dire, à force de la lire, je sais pas, il y a des choses qui se sont décantées naturellement. Puis il m'a semblé que là, je pouvais pas faire tel mouvement. Puis je me suis dit, là, c'est pas possible. Là, c'est possible. Oui. Je sais pas, les choses viennent et puis les images viennent. Mais il faut du temps. Il faut pas non seulement se laisser imposer une pièce, et puis en plus, faut pas savoir qu'on a une pièce à monter en tant de temps et tout ça. Bon, alors ça, c'est un problème. Oui. Je veux dire, j'ai pas à mettre les pieds là-dedans, mais il me semble que c'est terrible, ce manque de liberté qu'on a vis-à-vis de soi-même, surtout quand on est censé être un créateur, ou du moins quelqu'un qui retransmet ce que quelqu'un a créé. Alors ça me paraît très très très grave et très très très dangereux de confier ça à des gens qui, malgré eux, n'ont pas le temps de monter. Alors ça, moi, c'est une chose qui me fait horriblement peur. Alors à ce moment-là, bien sûr, faut plus que je fasse de théâtre si je suis censé parler comme quelqu'un qui ferait pas de concessions. Oui, mais là je reviens sur le décor, sur les costumes, etc. Il me semble que un metteur en scène serait beaucoup plus libre de s'intéresser à la phrase, à la respiration, à la ponctuation, à tout ce que vous voudrez, s'il était moins gêné par tout l'appareil qui est sur la scène. Parce qu'alors il ne reste plus de temps ni d'énergie. Exactement. Si on a des tonnes d'armure, enfin, comme disait Claude. Moi, pense que Boutet m'a touché davantage à la fin, dans le bon sens, pas me faire chialer, c'est parce que je le voyais tellement embringué dans les accessoires, l'appareillage, le décor au début, que quand la scène s'est un peu dépouillé, dénudé, je les trouvais tous les deux beaucoup plus, oui. plus à l'aise. Oui. Et puis ce qu'il faut éviter, enfin, je dis ce qu'il faut, je ne suis pas un professeur de sciences Giraudoux, je ne suis qu'un lecteur passionné depuis l'âge que vous avez aujourd'hui, Isabelle Adjani, de Giraudoux. Je crois que ce qu'il faut, c'est qu'on dise c'est que Mlle Adjani a, si je me trompe, 16 ans. 18, 18. Elle va avoir 19, même. Oui, oui. C'est ça, vous, êtes la, grande personne, du coup. Oui. Ce qu'il faut, c'est une très grande simplicité. Je suis sûr que Giraudoux tient. Je l'ai toujours dit, et je suis content de voir qu'il tient drôlement bien. Bon. Et qu'il va tenir longtemps. Et je suis sûr qu'on va le reprendre, et pour faire écho aux préoccupations de la sociologue tout à l'heure, qui nous disait que le public disait « mais c'est pas mal, il faudrait qu'on en joue », je suis sûr qu'on va le jouer de plus en plus. Mais il faut bien dire une chose, c'est que Giraudoux n'a pas été repris en main par la nouvelle génération des metteurs voilà, en scène. Voilà, c'est ça la question. Il manque à Giraudoux actuellement d'être repris par des metteurs en scène. Je veux citer, Non, je penserais plutôt à Claude Régis. Claude Régis a pris un virage pour l'instant que j'espère provisoire. Il va peut-être revenir aux mots, au langage, au texte, quand il sera sorti de son sang vermeil. Quand Régis, par exemple, s'occupera de Giraudoux, ben, je vous garantis qu'il se passera quelque chose. Parce qu'il saura le voir d'une façon contemporaine, d'une façon nouvelle. Moi, je ne sais pas ce que je ferai, ce n'est pas mon métier, mais il me semble que Giraudoux doit pouvoir nous être transmis d'une façon plus moderne. Ça, c'est sûr. Barthes ou pas, peu importe. Barthes, je ne sais pas s'il connaît Giraudoux ou si, non. Si, il doit aimer ça. Il doit aimer. Il doit aimer, ça, bon, il doit aimer parce qu'il est très malin. La génération. Il s'appelle le plaisir du texte. Oui. Il commence à y venir. Il commence à y venir, peut-être. Non, mais il y a une chose qui m'a frappé. En écoutant Villard parler de la mise en scène du travail qu'implique Giraudoux, je retrouvais exactement ce que j'avais vu. Villard qui a monté la guerre de Troie. Et ce qu'avait écrit, ce qui reste dans les livres de Jouvet, les notes de travail de Jouvet, le son fondamental qui rendait tous les deux devant Giraudoux était le même, c'est-à-dire celui, pas de psychologie et une grande simplicité de dire le texte. Et ce qui est frappant aussi, c'est que deux des plus grands hommes de théâtre qui ont servi Giraudoux très bien, qui me semble Jouvet le premier, ça a été une collaboration, et puis Villard, avait justement naturellement déjà cette distanciation, c'est un mot que nous a donné Brecht, mais qui préexiste, la réalité préexiste au mot de Brecht, cette distanciation dans la diction même. Il est frappant de voir à quel point Jouvet et Villard n'avaient pas une diction réaliste ni romantique, oui. Enfin, il disait un texte avec une singularité qui établissait d'emblée une espèce de distance qui donnait un côté image de carte, de jeu de cartes au personnage. Et l'émotion, alors elle vient des tripes, parce que en effet, Giraudoux n'est pas cet homme froid, ce mandarin qui tresse des guirlandes, c'est pas vrai. C'est chevalier. Madame Ouseret, est-ce que tout à l'heure Isabelle Adjani disait que voilà, elle voulait que des spectacles soient montés plus longtemps, etc., et que elle sentait certaines choses quand elle construisait son personnage, et puis il y avait là-dessus l'intervention du metteur en scène. Est-ce que entre Jouvet et vous, est-ce que vous étiez toujours d'accord ou... Ah non, nous avions des discussions très souvent. Voilà. Mais vous très aviez souvent. Des discussions, oui. Dans l'école des femmes, nous avons eu des discussions. Et puis Jouvet sortait, il me jetait le livre à la tête. Et ces discussions portaient sur quoi? Sur la façon d'interpréter, de dire les choses. Par exemple, quand nous avons joué en Amérique, l'annonce de Tamari, que je jouais Violaine, il n'était pas d'accord avec ce que je faisais, par exemple. Mmh. Par moments, il parle après, il trouvait que j'avais raison. Mais pour Ondine, par exemple, pour revenir à Ondine. Eh bien, pour Ondine, là, je le dis d'ailleurs dans un article que j'ai écrit il y a déjà longtemps dans Europe, il voyait l'entrée, là, comme vous êtes beau, enfin, il voyait ça d'une façon musicale. Mmh. Alors, Jouvet n'était pas du tout musicien, alors moi, je ne le voyais pas comme ça, je le voyais en force. Et cette chose-là est arrivée aussi parce que un jour, c'était pendant les répétitions de Tessa, Giraudoux et Jouvet déjeunaient au Berkeley. J'arrive en retard. Et puis, oui, Giraudoux mangeait une truite au bleu. Alors ça, je ne peux pas supporter. Ah, déjà, vous-même. Ah, ça, je ne peux pas supporter qu'on mange une truite au bleu. Alors, je l'ai engueulé et je lui ai dit, écoutez, vous n'êtes pas honteux, un poète comme vous qui mange une truite au bleu. Elle aurait dit, mais madame, pourquoi vous mettez vous encore là comme ça? J'ai dit, écoutez, je m'en en colère surtout contre moi, parce que si ma sœur avait été à ma place, ce qu'elle aurait fait, c'est ce qu'elle a fait dans la vie. Elle s'est disputée un jour avec sa belle-mère à cause d'une livre de beurre qui était mal placée dans le frigidaire. Elle a pris la livre de beurre, elle l'a jetée dans la rue et le beurre est tombé sur le chapeau d'une passante. Alors, Giraudoux a ri beaucoup et me dit, mais vous savez, il faut que je connaisse votre sœur parce que ça doit être quelqu'un d'extraordinaire. Mais en tout cas, j'adore vous voir en colère. Et alors, la première fois que Giraudoux nous a lu le premier acte d'Ondine, c'était à la maison, qui est Louis Blériot, au 18. Et alors, quand il y a eu l'entrée d'Ondine avec la truite, je voulais la regarder, m'a regardée, on a pouffé de rire. Et alors, il dit, voilà, Madeleine, la truite est revenue. Oui, alors ça, c'est merveilleux, évidemment, le cas d'un auteur qui écrit, en quelque sorte, sous la dictée de ses interprètes. C'est pas la dictée, non, il s'est inspiré de ça. Oui, oui. Parce que je crois qu'il s'inspire. Il vous avait entendu le dire, en quelque sorte. Voilà, c'était ça. C'est ça qui est important, oui. C'est ça. Seulement, évidemment, dans le cas d'Isabelle Adjani et Jean-Luc Boutet, il faut tout de même avoir tout de même un certain respect pour leur travail, puisque eux sont obligés, ils n'ont qu'un texte, ils n'ont pas toutes ces expériences, ils n'ont pas la richesse de toutes ces expériences. C'est très différent, c'est très différent. Bon, je crois que nous avons malheureusement terminé. Claude Roy, un dernier mot, un mot de conclusion en faveur de Giraudoux, car j'aimerais, c'est ça que j'aimerais entendre. Pourquoi il y a quelqu'un qui a été contre Giraudoux? J'ai peur, moi, personne. Mais c'est tout de même la question importante qu'a posée Régis Bastide de cette nouvelle génération de metteurs en scène qui ne s'intéressent pas à Giraudoux, du fait des hésitations du public, etc. Eh bien, je voudrais quand même, pour conclure, si vous voulez, que vous puissiez nous dire pourquoi le théâtre de Giraudoux doit être monté. Et vous me chargez d'une fonction, celle de conclure, qui est très très lourde. Moi, je trouve que Giraudoux, justement, a traversé, comme la truite traverse le torrent, le tunnel, parce qu'il n'est pas rentré dans le tunnel. Justement, il est peut-être méconnu pour l'instant, et ça me semble très provisoire, d'une certaine génération de metteurs en scène et de gens de théâtre. Mais déjà, la présence, parce que moi, je crois que les metteurs en scène sont très importants, mais les comédiens aussi, et le fait que Giraudoux, avec Isabelle Adjani, Boutet et leurs camarades, et avec les représentations de ses pièces précédentes, reste vivant dans l'esprit du public, est tout de même une chose fondamentale. Qu'un éclairage nouveau de Giraudoux soit souhaitable, j'en suis sûr. Qu'il soit probable demain, je le crois aussi, parce qu'il y a des retours de curiosité et de sensibilité certains. Mais la musique de Giraudoux est une musique qui ne s'est pas tue. Elle a pu être un peu troublée par des parasites ou mal écoutée de certains qui ont l'oreille ailleurs. Mais je crois que l'oreille du cœur restera toujours sensible à Giraudoux. C'était Mise en scène, Ondine de Jean Giraudoux, une émission proposée par Guy Dumur, diffusée la première fois le 14 avril 1974 sur France Culture. Avec Isabelle Adjani, Jean-Luc Boutet, Madeleine Auzeray, François-Régis Bastide, Claude Roy et Anne-Marie Gourdon. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.